بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ 4 مسائل. On va prendre 4 nouvelles car le prochain qui arrive sont les deux ensemble. Le chef c'était les deux masailles ensemble. L'année la 11 et la 12 sont liées l'une à l'autre. ثم الثالثة عشر ثم الرابعة عشر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألتان الحادية عشر والثانية عشر. يقول donc ils sont la douzième et la treizième, ou plutôt la onzième et la douzième. نعم. اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. Le fait qu'ils se basent sur des analogies qui sont fausses, qu'ils font de fausses analogies et qu'ils refusent les vraies. فقال في المتن الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم لبشر مثلنا وإنكار القياس الصحيح والجامع ولهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. Donc c'est quoi ? C'est que ces gens-là prennent comme argumentation de fausses analogies, de fausses comparaisons. Kafi kulillahi ta'ala azza wa jal, vous n'êtes que des hommes comme nous, en refusant les messagers. Donc ils font de fausses analogies. Et de l'autre côté, ce qui est la douzième mas'ala, c'est qu'ils refusent la vraie analogie. Qu'ils n'arrivent pas à discerner les différences qu'il y a entre les choses. Ou qu'ils n'y arrivent pas, ou qu'ils ne veulent pas. Taïeb. قال الشارح الشيخ الفوزان عبد الله تعالى المسألة الحادية عشر والثانية عشر اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. Donc c'est le titre. Après il parle qu'est-ce que le qiyas? Car le qiyas à la base c'est une branche qui est prise dans la science de usul al-fiqh. Quand même c'est dans ce domaine de la science que l'on entend parler du qiyas. Et qui est quoi? Qui est d'émettre un jugement sur une chose qui réunirait une même cause qu'une chose qui aurait déjà un jugement. Yani, yuqal, qiyas al-illa. Huwa ilhaqu fara bi aslin fi hukmi al-jami' baynahuma. C'est-à-dire que tu as une chose claire qui a un jugement et une autre qui n'en a pas. Et la cause du jugement de cette chose qui est claire dont tu as un dalil, cette même cause est présente dans une autre chose dont tu n'as pas de dalil. Donc qu'est-ce que tu fais? Par analogie, tu émets le jugement émis sur la chose qui a un dalil, sur celle qui n'en a pas. Par exemple, à la base, dans tout, c'est ce qu'on appelle la khamr. Ce qui est le vin qui en réalité veut dire l'alcool. C'est quoi la cause? Al-iskar. C'est une chose qui enivre. Tamam? Donc maintenant, est-ce que quelqu'un pourra dire, est-ce qu'on a un texte qui interdit, par exemple, le hashish, le cannabis, la cocaïne, ou les autres drogues qui existent? Les gens vont dire, on n'a pas de texte. On va dire, nam. Mais quelle est la cause qui interdit, qui a fait que le khamr a été interdit? C'est qu'il enivre. Il fait perdre la raison. Et bien, cette cause est présente également dans les drogues. Donc de là, on a émis le même jugement sur cette drogue qu'on l'a fait sur pour l'alcool. Alors, il s'appelle qiyas illa. C'est l'analogie par la cause. Mais ce qiyas, c'est des chouroutes. Si jamais l'une de ces chouroutes, n'est pas présente, alors le qiyas, il est facide. Il est corrompu, il n'est pas accepté, il n'est pas valable. Donc, le qiyas, attention. Le qiyas, c'est parmi les causes de istidlal dans la religion. La première cause d'istidlal, le adillah, on les prend du kitab. Thumma al-sunnah. Thumma al-ijma'. Thumma al-qiyas al-sahih al-mu'tabar. D'accord? Mais le qiyas, attention, ce n'est pas dans l'absolu, il y a des conditions. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'ijtihadat. Et le qiyas, il est considéré lorsqu'il est vraiment clair et véridique et valide. Il faut reprendre en cause toutes les conditions requises pour pouvoir faire un qiyas qui est authentique. On ne fait pas un qiyas sur tout, de n'importe comment. Il y a des conditions pour que ce soit fait, et là n'est pas le sujet en soi. Al-Muhim. Ce sujet est très dangereux. Comme a dit Ibn al-Qayyim, Aksar dalal al-nas, innama wa bisabab al-qiyas al-fasid. Le plus grand égarement des gens, c'est qu'ils ont fait des qiyas qui étaient fasid, qui étaient corrompus, qui étaient mauvais. قال أول من مارس القياس الفاسد إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم. Donc le premier qui a lancé le faux qiyas, la mauvaise analogie, c'est Iblis, l'anatollah alayhi, lorsqu'il a voulu, il s'est comparé à Adam. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui de terre. Donc de là, il a refusé de se prosterner. En pensant, il a fait un qiyas, il a comparé le feu et la terre, en disant que le feu est meilleur que la terre. Alors que ce qiyas n'est pas bon, car en réalité la terre est meilleure que le feu. Pourquoi ? Parce que déjà le feu, il brûle et il détériore. Alors que la terre, elle, elle fait pousser les choses. Vous voyez, elle fait pousser les choses, on en a besoin. Et on a un plus grand besoin, il y en a son besoin, il est même plus apparent pour les hommes. Hein, que le sol sur lequel on vit, c'est la terre, ce n'est pas sur du feu qu'on vit, c'est sur la terre. Et quoi qu'il en soit, si on avait vraiment, on devait faire un qiyas, on aurait dit comme cela, que la terre est meilleure que le feu. Cependant, en réalité, on n'a même pas de qiyas à faire, car c'est une masse sur laquelle il y a un délit que Allah SWT a préféré à Adam à l'Iblis et a ordonné aux créatures, du moins aux malaïkas et à Iblis de se prosterner. Donc il n'y a même pas de qiyas à faire. À la base, le qiyas, c'est parce qu'on n'a pas de dalil sur une chose claire. Là, on a un dalil clair que Allah SWT a ordonné aux anges, pour s'en est pour Adam. Donc il n'y a pas à faire, je suis meilleur que lui, faire des qiyas. Ça c'est une contestation de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait les mouchtikoun al-jaliya? Qasouad al-qiyas, voyez, hinama kazzabu al-rusul. Ils ont fait ce même qiyas pour pouvoir refuser les messagers. Pourquoi ils ont dit quoi? In antum il basharun misluna. Vous n'êtes que des hommes comme nous. C'est-à-dire, ils se sont comparés eux aux messagers. En disant, comme vous êtes comme nous, on n'a pas à vous croire, vous avez rien de plus que nous. Donc là, c'est un qiyas qui est batil. Pourquoi? C'est un qiyas avec le fort, avec la chose qui diffère. Parce que le rasoul, wa mufaddal indallah, le messager est préféré auprès d'Allah. Comme, مثلاً, Adam, Allah a préféré Adam à Iblis. Et bien, Allah SWT a préféré les messagers sur le reste des hommes. Donc on n'a pas à se comparer à eux en ce qui concerne la risala et la révélation. Adakiyas batil. Pourquoi est-ce qu'on a un dalil? Dans le Coran, dans ses livres, Allah dit d'obéir aux messagers. Donc on n'a pas à se comparer à eux. Comme quand le Ta'ala, Allah yastafi min al-malaikati rusulan ou min al-nas. Que Allah élève et purifie qui il veut parmi les anges, comme messager parmi les hommes. Donc de là, ces gens-là ont fait un qiyas qui était batil. Et le font souvent. Et comme le chien le précise, بَلْ الْحِكْمَةُ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ إِلَى الْبَشَرِ بَشَرًا مِثْلَهُمْ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ قَالَ تَعَالَى قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Donc il dit même la sagesse amène à ce que le messager pour les hommes soit un homme afin qu'il puisse leur éclaircir. Que ces hommes voient qu'il est comme eux. Donc de là, ils verront les vertus qu'il a, par exemple, des choses qui feront qu'eux ne font pas, ils se rendront compte qu'il n'est pas comme eux, dans le sens qu'il a un statut plus haut. Et dans le sens, Allah il dit que si jamais c'était des anges qui marchaient sur terre, apaisés, alors Allah l'aurait envoyé un messager ange comme eux. D'accord? Car si jamais Allah s'en allait avoir envoyé un messager ange pour les hommes, ils auraient dit oui, mais il n'est pas comme lui, il ne comprend pas, lui ne mange pas, il n'a pas les besoins que nous avons, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Alors que comme c'est un homme, l'homme ressent ce qu'eux ils ressentent. Comme quand Allah Ta'ala, innama nabashirun mithlukum, je suis un homme qui est comme vous. C'est-à-dire ce que vous ressentez, je le ressens. Ce que vous éprouvez, j'en suis éprouvé. Rien de délicat. Donc il connaît. Nous sommes égaux. Et si demain il fait des choses qui sortiront de l'ordinaire, comme les miracles, on pourra dire, non, c'est incroyable. Demain, un messager, par exemple, viendrait à marcher sur l'eau. Qu'est-ce qu'on dirait? On dirait c'est un miracle. Parce qu'un homme, c'est un homme, il ne peut pas marcher sur l'eau, à la base. Mais demain, ce serait un ange qui marcherait sur l'eau. Allah fait que l'homme arrive à voir l'ange, Mathalan, qui se met à marcher sur l'eau. On dit, ah, mais c'est un ange, de toute façon, donc c'est normal qu'il marche sur l'eau. Il vole, il peut aller sur l'eau, ça se trouve, il peut rentrer dans l'eau, il reste des heures sous l'eau. C'est un ange, il n'est pas comme nous. Donc, ce fait qu'il marche sur l'eau n'aurait pas été un miracle pour eux, mais ça aurait été, à la base, une chose qui est normal venant d'une créature qui sort de l'ordinaire, du commun des humains. Mais là, c'est un être humain comme eux. Donc leur qu'est-ce qu'ils ont fait, il est baratil. Et comme le chien le cite par la suite, min ajaib intikas haula annahum yastalibuna risala bil bashar wa yastalibuna an takuna al ubudiyya lil hajar. Et ça c'est ajib de leur part. Car le chien le précise bien, ces gens-là, ils sont surpris de voir qu'un messager vient et que c'est un être humain, mais ils ne sont pas surpris d'attribuer la divinité à une pierre ou à un arbre ou à une chose qui est inerte, un objet. Il lui attribue les spécificités de la divinité et de la seigneurie. Allah chez Adib Jiddan. Donc c'est de là que le peuple de Nour en faisait Nour, car c'était un être humain soi-disant. C'est de là aussi que Quraysh ont voulu démentir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par cette porte du Qiyas al-Fasid, en le comparant, en disant tu es comme nous. Et à l'inverse de cela, ça regroupe la douzième mas'ala, qui refuse le vrai Qiyas. Justement que Allah subhanahu wa ta'ala, si il avait voulu, il avait mis des anges sur terre, il aurait envoyé un messager ange. Ça c'est un vrai Qiyas, c'est-à-dire cet ange aurait été élevé par rapport à eux, mais du fait qu'ils soient de leur nature, ils auraient pu... c'est en fait là, c'est une comparaison de situation en situation et non pas de créature à créature. D'accord? Ça, c'est un qiyas de situation en situation. C'est-à-dire, la situation de l'homme avec son messager homme et la situation des anges au messager ange. Et non pas la situation du messager par rapport à ceux qui reçoivent le message. À bien comprendre. Là, il fait un qiyas entre le hel des êtres humains avec leur messager et le hel des anges avec leur messager. Si il avait eu lieu. Non. Donc là, c'était la 11e et 12e. Et vous regardez également que les gens de la bid'a, ils font la même chose. Pour défendre le faux, ils font des qiyas qui sont fasides. Par exemple, quand tu reproches des points à une personne qui tombe dans l'innovation, dans une chose qui est répréhensible, pour le défendre, ils vont chercher quelqu'un d'autre, de bien, d'accord, pour dire, mais lui aussi, il a fait telle et telle chose. Et quand tu compares bien les situations sur lesquelles ils font leur qiyas, elles sont différentes. Ça se trouve, t'en as un, il a fait une fatwa sur un hal de daroura. Une vraie daroura. Et l'autre, il a fait une fatwa sur un hal, une chose qui est, dont on peut se passer, qui n'est pas une daroura. Donc, pour défendre telle parole, ils vont chercher une autre qui sort de son contexte. Et les gens de la bida, ils font beaucoup ça. Pourquoi vous dites cela pour ça, alors que l'autre côté, il y a un tel qui fait ça? Et des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. Les situations sont similaires. Mais très souvent, quand c'est l'innovation qui veulent comparer et qui veulent défendre le faux, ils font souvent des qiyas qui sont faux, bâtis sur rien. Ils te disent, si tu parles sur un tel, sur tel point, alors tu dois parler sur tel point. On dit, ça peut être vrai, ça peut être faux. Et souvent, eux, comme ils s'y prennent, c'est faux. Et lorsque tu leur amènes, justement, un vrai qiyas, sahih, entre deux situations similaires, ils le refusent. Comme le cheikh l'a dit, les gens de la Jahiliya, ils refusent le vrai qiyas, et ils affirment le mauvais. Ils se basent sur un mauvais. Allah musta'an. ثم قال المسألة الثالثة عشر الغلو بأهل العلم والصلاح. Donc il dit maintenant la treizième مسألة qui est الغلو في أهل العلم, les gens de science, والصلاح de la réforme. فقال في المتن رحمه الله تعالى الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَى الْحَقِّ. Parce que le fait qu'ils exagèrent dans les savants et dans les gens pieux, les gens de la jahiliya, leurs savants à eux et leurs gens que eux estiment comme étant pieux. Et qui peuvent l'être pour de vrai également. Mais d'après leur mort. Donc Allah dans le sens, il dit, ô gens du livre, n'exagérez pas notre religion et ne dites la vérité. Ne dites sur Allah que la vérité. Tamam. قَالَ الشَّيْخُ الْفَوْزَانِ فِي شَرْحِ أَدِي الْفَقْرَةِ قال وهذه مسألة خطيرة والغلو معناه في اللغة الزيادة عن الحد. Donc il dit c'est un sujet qui est très dangereux, c'est une mas'ala qui est très dangereuse. Et c'est quoi le ghulu, littéralement parlant? C'est le fait d'outrepasser une limite. Outrepasser une limite. De dépasser une frontière ou une barrière ou une chose qui était délimitée par quelque chose. مثلا قال Ghala al-si'r, idha irtafa'a 'an al-hadd al-ma'ruf. Par exemple, ghala al-si'r, le prix est monté. Le prix est haut. Exagéré quand? Lorsqu'il devient plus élevé que la moyenne. Que c'est par quoi il est connu. Thumma qala, fal-ghulu huwa az-ziyada wa irtifa'a 'an al-hadd al-ma'ruf. Comme on vient de dire. وفي الشرع هو الزيادة في رفع شخص فوق منزلته اللائقة به مثلا كالزائدة في حق الأنبياء أو الصالحين رفعهم من قدرهم إلى الربوبية والألوهية. Donc maintenant, au point de vue de la législation, le roulou, c'est le fait d'élever une personne au-dessus du rang qui lui convient. Comme par exemple le fait d'exagérer sur le droit des prophètes ou des gens pieux. À tel point qu'on leur accorde les attributs de la Rububiya et de Uluhiya. Qu'on se met à les adorer, ou leur attribuer des choses qui n'en viennent que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit que les gens de la Jahiliya ont exagéré dans les individus, à tel point qu'ils en ont fait des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'ont fait par exemple les Yahoud avec Uzair. Qalou wa ibnullah, c'est le fils d'Allah. Et comme l'ont fait les Nasara avec Isa alayhi salam, Ibn Maryam, ils ont dit quoi? Qui était un homme, ils ont fait Wabnullah, jusqu'à pouvoir dire qu'il est Allah, troisième des trois. Ils lui ont attribué plein de choses, ils l'invoquent, yastarithuna bihi, cherchent de refuge auprès de lui, wa ghayr dhalika. Wa kadhalik, le peuple de Nuh, alayhi salam, kama qala ta'ala, wa qalu, la tazarunna alihatakum, wa la tazarunna wadan, wa la suwa'am, wa la ya'utha, wa ya'uka, wa nasara. Et ne délaissez pas vos divinités qui sont Wad, et qui sont Suwa', et qui sont Ya'ouz, qui sont Ya'ouq, Wanasr, qui étaient des hommes pieux, et qui par la suite, après leur mort, les gens se sont mis à exagérer dans leur personne, ils ont fini par les adorer. Ils sont devenus des idoles. Malgré eux, eux n'ont pas demandé cela. Ça, c'est arrivé après leur mort. Et aujourd'hui, on a des gens, parmi les gens du shirk, qui font pareil, avec les Aouliyé, qui font le tawaf autour des Kubur, مثلاً يدعون الأموات وغير ذلك ويستعيثون بالموتى ويطلبون منهم قضاء الحوائج وغير ذلك. Qu'on voit les morts qui leur demandent des choses qu'ils sont incapables d'accomplir. Car ils disent, c'est une personne pieuse qui est en mesure de répondre à mon invocation. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الغلو. Il a mis en garde contre le roulou. Il a bien dit, n'exagérez pas ma personne comme l'ont fait les Nasara avec le fils de Maryam. Wal-itra, en arabe, c'est le fait de faire des éloges exagérés. D'exagérer dans le madh, dans les éloges. Donc le shiri dit, wal-wajib an yu'rafa lil-ash'as qadrahum. An yu'rafa lil-ash'as qadruhum al-layiq bihim. Fayu'raf lil-rusul risalatuhum. Wayu'raf lil-salihin salihuhum. Wayu'raf lil-ulama ilmuhum. Wa innahum afdalu min ghayrihim. Donc il dit maintenant ce qui est obligatoire pour nous, c'est de reconnaître pour chaque personne ce qui lui revient, ce qui lui convient. Pour les messagers, leur message. Pour les gens pieux, leur piété. Pour les savants, leur science. Et à savoir que les savants sont les gens, les meilleures créatures, plutôt les meilleures personnes. Les savants sont les meilleures personnes après les messagers. Et leur mérite, comme le chien l'avait dit auparavant, et comme le mérite de la lune sur les autres planète. Donc il faut les mettre à leur rang et ne pas les élever au-dessus de cela, comme l'ont fait les gens du livre, quand même avec Isa ou Ghayr Zalika. فَقَالَ فَلَا يَجُوزَ الْغُلُو فِي الْمَخْلُوقِينَ رَفْعُهُمْ فَوْقْ مَنْزِلَتِهِمْ أَلَّتِي نَزَلَهُمُ اللَّهُ فِيهَا لِيَنَا هَذَا يَجُرُّ إِلَى الشِّرْكَ بِاللَّهِ عَزَ وَجَلْ. Donc il n'est pas permis d'exagérer dans les créatures et de les élever au-dessus de leur rang. Le rang que Allah leur a accordé. Car cela amène au shirk. Cela amène au shirk. Et qu'il s'agisse du rouleau, comme le dit, sur les savants, sur les dévots, aurait les alikas. Et encore nocta, vous regarderez que les gens de la bid'a ont également cette ressemblance avec les gens de la jahiliya, qu'ils ont du rouleau sur la mâchère. Ils n'acceptent pas qu'ils soient critiqués, et n'acceptent pas qu'ils soient, masalan, réfutés, et ils n'acceptent même pas qu'on dise que sur tel masala, il a eu tort. Même ce point-là, ils n'arrivent pas à le dire. Que chier un tel, sur ce sujet, il a eu tort. Ils n'arrivent pas à le reconnaître, ils ne peuvent pas l'admettre. Et si jamais tu le dis pour eux, alors ils te font la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils exagèrent dans la personne. la voit comme étant un niveau qui n'est pas le sien. Wal'azbillah. Et forme une alliance, un désaveu, pour lui. Pas pour la vérité qu'il porte, mais pour la personne. Si c'est une alliance, un désaveu, pour la vérité que porte la personne, alors ça c'est machoulour, c'est même wajib. Mais ils le font eux pour la personne en soi. Qu'elle soit, qu'elle ait raison, qu'elle ait tort, ils s'avouent, et s'allient pour lui, pour sa personne. Donc là, c'était ce point-là qui était El Rouleau. D'accord? El Rouleau. Thumma qal, El Mas'ala, Rabi'ata Achar. 14e point. Nafiyuhum, El Haqq, wa Ithbatuhum, El Batil. Qui est le refus de la vérité et leur affirmation du faux. Qala fil matn, rahimahullah ta'ala. أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعلدون عمن جاءت به الرسل. Donc le shir il dit, رحمه الله تعالى, que tout ce qui a précédé comme point est bâti sur une règle, une seule et même règle, qui est l'affirmation et la négation, qui suivent les passions et les conjectures et se détourne de ce avec quoi sont venus les prophètes. Donc là, Cheikh Al-Fawzan dit, par rapport à cette fakra, en reprenant ce que le Cheikh vient de dire, il a dit exactement. C'est-à-dire que toutes les masa'il qui ont précédé les gens de la Jahiliya sont toutes bâties sur ce point similaire. Mahu An-Nafi wal-Ithbat. Fahum yuthbitun ma nafa'ahu Allah wa yunfuna ma athbatahu Allah. Qu'ils refusent ce que Allah a affirmé et qu'ils affirment ce que Allah a refusé. C'est pour ça qu'ils sont tombés dans l'aile et dans le shirk. C'est-à-dire qu'ils ont refusé le tawhid et ont affirmé le shirk. Ils ont refusé la guidée et ont affirmé le dhalal. Qu'ils ont refusé le halal et ont affirmé le haram. Ils ont refusé l'iman wa athbatu al-kufr. Donc ça, c'est la qaïda principale des gens de la jahiliya. Yusulun alayha. Ou est-ce dans le sens qu'ils s'enfoncent dans leur mal par cette règle-là, qu'ils refusent la vérité et qu'ils affirment le faux. Et ça également, cette règle, on la voit chez les gens de la bid'a, qu'ils refusent, ils ont refusé la sunna et ont affirmé la bid'a. Et lorsque tu viens avec la vérité, ils la refusent et persistent sur leur mal et sur leur faux. Il est maintenant rahimahullah. Wa qalil mahum. Tayyib. Donc là, c'était les masaïs qu'on a pris aujourd'hui, les quatre, qui étaient le qiyas, qui font le qiyas. Ils affirment le qiyas qui est facile et refusent le vrai. Qu'ils ont du roulou dans leurs savants et dans leurs gens pieux. Et dans leurs, les gens pieux. Et qu'ils refusent la vérité et affirment le faux. Et comme on a expliqué, ces points-là, chez les gens de l'égarement et de la bid'a des hawa, on le trouve également. Wala azubillah. Donc, iyakum iyakum wa tashabbuh bil al-jahiliya. Fahadha manhiu anhu. C'est interdit. Tamam? Fa ila huna. والحمد لله رب العالمين